On l'a appelé le plan Condor, une internationale de la terreur, la collaboration secrète entre les polices de plusieurs pays d'Amérique du Sud pour mieux traquer opposants et dissidents. Ce pacte aurait été conclu en 1975, mais nous l'avons vu avec M. X la semaine passée, c'est dès 1960 que s'ébauche cette internationale des pays du cône sud de l'Amérique sous l'égide des services secrets américains. Washington craint en effet que la vague révolutionnaire née de la victoire de Fidel Castro à Cuba ne déferle sur tout le continent. Le premier, le président Eisenhower, crée un organisme, l'Office de sécurité publique, chargé de former et instruire les polices latino-américaines afin de mieux lutter contre la subversion. Il s'agit alors, selon M. X, d'implanter un véritable réseau contre-révolutionnaire un peu à l'image de l'organisation anticommuniste Gladio, créée en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Les spécialistes américains vont s'inspirer des méthodes coercitives utilisées par les militaires français en Indochine et surtout en Algérie, en particulier lors de la bataille d'Alger. Mieux, des officiers français, appartenant souvent à nos services spéciaux, sont envoyés aux États-Unis ou en Argentine, où ils enseignent les théories de la guerre psychologique et anti-subversive. Des missions qui ont naturellement reçu l'aval de Paris. Parmi ces instructeurs très particuliers, un certain Osares, qui fera parler de lui beaucoup plus tard. Les leçons des Français portent leurs terribles fruits. La pratique de la torture se généralise dans les commissariats sud-américains ou les casernes, et des escadrons de la mort traquent les opposants. Parfois, les agents de la CIA mettent eux-mêmes la main à la pâte. C'est le cas d'un certain Dan Mitrion, l'homme dont l'histoire a inspiré le cinéaste Costa Gavras dans « État de siège ». En 1970, Mitrion, officiellement fonctionnaire d'une organisation humanitaire, est enlevé par des révolutionnaires uruguayens, les Tupamaros, qui réclament la libération de 150 d'entre eux. Mais le gouvernement est fermement invité par Washington à ne pas céder aux exigences des révolutionnaires. 5 jours plus tard, Mitrion est exécuté. Pour M. X, il ne fait nul doute qu'on s'est ainsi débarrassé d'un homme dont les méthodes brutales dénoncées par des parlementaires uruguayens risquaient de faire scandale un jour ou l'autre. Ce qui n'empêchera pas les Américains de célébrer Mitrion comme un héros du monde libre. Et peu d'années après, en 1975, le plan Condor va institutionnaliser la terreur dans les 6 pays du cône sud. Là aussi, les services secrets américains ne resteront pas inertes. Le plan Condor, on savait qu'il existait. C'était un pacte occulte qui regroupait les services spéciaux de 6 pays. 6 dictatures militaires sévissaient au Chili, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay et en Bolivie. On savait donc, mais officiellement on ignorait jusqu'où était allée cette coopération. Oui. Enfin, attendez, avant d'aller plus loin, vous m'avez laissé entendre dans la première partie de cet entretien que nos propres services étaient très bien informés. Oui, c'est évident. Il ne faut pas oublier que c'était des officiers du SDEC qui avaient préalablement instruit leurs homologues américains et sud-américains. Mmh. Ils leur avaient appris les méthodes, les préceptes de la sale guerre, comme on l'a appelé. Oui, c'est-à-dire la guerre anti-subversive. Oui, je n'y reviens pas, nous en avons déjà longuement parlé. Mais il était logique que des liens aient été conservés, enfin au moins entre les hommes. Et pas entre les institutions? Bon, ça c'est autre chose. Vous savez bien que dans les services, beaucoup de gens généralement classés à droite avaient été hostiles à la politique anti-américaine du général de Gaulle. Alors pour cela, nous devions nous ranger clairement dans le camp occidental. La conséquence, c'est que nous devions garder des rapports étroits avec la CIA. En contradiction avec la politique officielle. Bien sûr, puisque de Gaulle avait décidé que nos services de renseignement ne devaient pas agir seulement contre le camp communiste. Et lorsqu'après le départ du général, Georges Pompidou a nommé à la tête du SDEC Alexandre de Maranche, un atlantiste convaincu, dans les services, certains se sont ouvertement réjouis. D'ailleurs, il était donc possible de travailler à nouveau avec nos alliés américains. Ah, tout à fait. Ouais. C'est pourquoi les Français n'ont pas ignoré grand-chose du plan Condor et de ses horreurs. Et paradoxalement, ça a eu au moins un effet heureux. Dans sa troisième phase, mais nous en parlons. Le plan Condor prévoyait que les opposants de gauche seraient traqués et éliminés jusque dans les pays européens où ils avaient parfois trouvé refuge. Bien informés, les services ont fait en sorte qu'aucun assassinat n'ait lieu sur le sol français. Ouais, ça j'en prends acte. Hein. Enfin, ça ne m'empêche quand même pas de me poser des questions sur les étranges rapports entretenus avec les assassins du plan Condor. Je suis d'accord avec vous. Alors, bon, reprenons où nous en étions restés. On savait que le plan Condor existait, mais on ne connaissait pas son ampleur, c'est bien ça? Oui, et on a découvert un peu par hasard la vérité, enfin, une partie de la vérité. Et comment alors? En 1992, Martin Almada, un avocat paraguayen, un peu curieux, trouve dans un commissariat désaffecté de la banlieue d'Ascension des tonnes d'archives. Mais vraiment par hasard? Oh, pas tout à fait. Cet avocat cherchait. Il a trouvé, et sa découverte a dépassé de loin tout ce qu'il imaginait. Car il y avait là des milliers de lettres, de documents, de fiches, et même des cassettes audio, des cassettes d'interrogatoire. D'interrogatoire de détenus? Oui. Almada avait souvent la preuve qu'il avait bien existé une internationale du crime politique. Ces archives de la terreur, comme on les a appelées, étaient accablantes. Et elle permettait de remonter à la genèse de cette sainte alliance des bourreaux, c'est-à-dire le plan Condor. Je dois aussi vous dire qu'il n'y avait pas que les archives dans ce lieu désaffecté. Quoi d'autre encore, hein? Des cadavres. Ah. Des cadavres de détenus dissimulés dans une fosse. On pense qu'il s'agit peut-être des corps des hommes qui avaient construit le bâtiment. Et qu'on a fait disparaître ensuite pour préserver le secret, c'est... Vraisemblablement. Ouais. Enfin, c'est quand même étrange que ces archives n'aient pas été détruites. C'est vrai. Alors l'explication, c'est sans doute que les policiers paraguayens, surpris par la chute de la dictature de Stroessner, n'en ont pas eu le temps. Ils ont simplement déposé de la chaux vive sur les papiers, mais ça n'a pas suffi à les faire disparaître. Ouais. Alors, ces documents... J'y viens. Mmh. Mais un mot avant, si vous voulez bien. Ouais. Il y en avait pour des tonnes, vous ai-je dit. Et l'avocat Almada n'a pas pu transporter ses archives tout seul. Ouais, mais il s'est fait aider, quoi. Oui. Ouais. Et curieusement, au cours de ce transport, certaines pièces ont été égarées. Et pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire? Ben, d'après des témoins dignes de foi qui ont vu les archives au commissariat, enfin là où Almada les a trouvées, mmh, des documents impliquant les États-Unis ont disparu. Ouais. J'imagine qu'ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Évidemment. Toutefois, en 2000, la déclassification de certains documents de la CIA a permis de reconstituer une partie du puzzle. L'événement fondateur, c'est naturellement le coup d'État du général Pinochet. Oui, et d'après ce que vous m'avez dit, il n'y a pas si longtemps, la CIA a joué un rôle primordial dans cette affaire. Oui, les Américains voulaient absolument se débarrasser de Salvador Allende, soupçonné de conduire le Chili vers le communisme. Et il est certain que Nixon et son secrétaire d'État, Kissinger, ont été les vrais initiateurs et les maîtres d'œuvre du putsch de Pinochet. Ouais, vous avez parlé d'événements fondateurs, à propos de ce putsch. En effet, car très rapidement, les nouvelles autorités chiliennes se dotent d'une redoutable police secrète, la DINA, dirigée par un proche de Pinochet, le général Manuel Contreras Sepúlveda. Mmh. L'homme dont vous m'avez dit, enfin, dans la première partie de cet entretien, faut le rappeler... Mmh. Qu'il avait été un peu l'inventeur du plan Condor. Tout à fait exact. Et il faut préciser que ce général entretenait des rapports très étroits avec les services américains, puisqu'il a été rétribué par la CIA au moins jusqu'au milieu des années 70. Ah oui, ça c'est clair. Hein. C'est sa police secrète qui sera responsable de la majeure partie des arrestations arbitraires, des tortures, des exécutions sommaires et des disparitions qui vont frapper le pays. Pour les militaires chiliens, il s'agit de détruire physiquement toute opposition. Et surtout l'opposition de gauche. Bien sûr. Je vous rappelle que seuls les militants du MIR, un mouvement d'extrême gauche, ont choisi de rester au Chili et de mener la lutte clandestine contre la dictature. Beaucoup, d'ailleurs, le paieront de leur vie. Mmh. Mais d'autres opposants se sont exilés, souvent dans les pays voisins. Et Contreras n'entend pas pour autant les laisser en paix. Alors, d'où l'idée d'une coopération entre les polices d'Amérique du Sud. Oui. Le second fait qui va présider à la naissance du plan Condor, c'est l'arrivée au pouvoir de militaires dans les pays de la région. Ouais, donc des dictatures. Au Brésil, c'est au milieu des années 60 que les généraux se sont imposés par la force. Ouais, mmh. Et ils mènent une lutte féroce contre les guerrieros qui leur résistent. C'est-à-dire les hommes de Carlos Marighella. Oui, Marighella sera abattu sans sommation en 1969. À noter que Castelo Branco, le premier général qui fera tomber le président élu, Raoul Goulart, était un ami intime de l'ambassadeur américain, Vernon Walters. Oui, c'est un homme qui sera plus tard un des dirigeants de la CIA. Son directeur adjoint, oui, c'est ça. Oui. Mais, enfin, est-ce que vous n'avez pas tendance quand même à voir la CIA partout? C'est un reproche que vous m'adressez souvent, il me semble. Oui, oui, oui. Alors faisons le point une fois pour toutes. Je ne suis pas anti-américain et je n'oublie pas ce que nous devons aux États-Unis. Mais il ne faut pas pour autant exonérer les Américains des crimes qu'ils ont commis au nom de la lutte contre le communisme. Démocrates chez eux, ils ont à l'extérieur soutenu les pires dictatures, vous le savez bien. Oui, alors, enfin, d'accord, inutile de vous emporter. Je suis très calme, rassurez-vous. J'en prends note. Donc, au Brésil, les militaires, enfin, sans doute appuyés par la CIA, d'après vous, se sont emparés du pouvoir. Et ailleurs? Au Paraguay, c'est en 1954 que le général Stroessner a balayé le pouvoir civil. Mmh. Et il battra une sorte de record, puisque ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'il cédera la main. Stroessner, qui vit une retraite paisible au Brésil, a été l'un des plus féroces dictateurs du continent. Songez que plus de 300 000 Paraguayens, le dixième de la population donc, ont été enfermés dans les geôles du pays. Là aussi, c'est une sorte de record. Oui, un record assez sinistre. Hein, oui. Ouais. Et dans le pays voisin, l'Uruguay? C'est en 1973, si mes souvenirs sont bons, que les militaires prennent le pouvoir. Pour la forme, ils ne destituent pas le président, mais c'est une fiction. En réalité, ce sont eux qui gouvernent. Et d'ailleurs, 3 ans plus tard, ils se débarrasseront de ce président d'opérette. En Bolivie, un putsch a porté au pouvoir le général Hugo Banzer. Le Brésil et les États-Unis l'ont soutenu. Alors, je compte bien, il reste l'Argentine. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Il y a d'abord eu Perón, qui n'était certainement pas un modèle de démocrate. Mais au milieu des années 50, Perón a été renversé par un coup d'État militaire. La suite est assez chaotique. Jusqu'au retour de Perón, en 1973, un an plus tard, il meurt. Ouais, c'est sa jeune épouse, hein, Isabel Lita, qui lui succède. Oui, mais toutefois, la réalité du pouvoir est dans les mains de José López Rega, un ancien commissaire de police qui a créé un groupe d'extrême droite en liaison avec l'armée et les forces de sécurité. Un groupe qui va former de véritables escadrons de la mort chargés de pourchasser les militants de gauche ou d'extrême gauche. Oui, parce qu'en Argentine, aussi, il faut le dire, il existe des guerrieros. Oui, oui, 3 mouvements bien organisés, dont les fameux Montoneros. Oui. Et comme le gouvernement argentin, malgré ses tristement célèbres escadrons de la mort, peine à les éliminer, en 1976, les militaires déposent Isabelita et finissent par assumer eux-mêmes le pouvoir. Désormais, dans les pays de ce qu'on appelle le cône sud, tout est en place pour que le plan Condor donne la mesure de son effroyable efficacité. Les crimes de M. Kissinger, un livre de Christopher Hitchens, est paru en 2001 aux éditions Saint-Simon. L'auteur revient sur les exactions des promoteurs du plan Condor et il accuse. Tous ces crimes ont été commis alors que Kissinger était secrétaire d'État et ils étaient et demeurent encore punissables, tant selon les lois internationales que locales. Nul ne peut prétendre, ni lui, ni ses défenseurs, ignorer la réalité de la situation ou ne pas en avoir eu une conscience aiguë. Un mémorandum secret, déclassé en 1999, révèle les détails épouvantables d'une conversation privée qu'il eut le 8 juin 1976 à Santiago du Chili avec Pinochet. C'était le jour précédant son discours devant l'Organisation des États américains, l'OEA, à propos des droits de l'homme. Kissinger s'efforçait d'expliquer à Pinochet que les quelques remarques purement formelles qu'il devait faire à ce sujet ne devaient en aucune manière être prises au sérieux. Extrait de ce mémorandum secret, je cite, c'est Kissinger qui parle. Je traiterai des droits de l'homme en termes généraux et dans un contexte mondial. Je ferai référence dans 2 paragraphes au rapport de la Commission des droits de l'homme de l'OEA sur le Chili. Je préciserai que la question des droits de l'homme a nui aux relations entre les États-Unis et le Chili, en partie à cause des démarches faites par le Congrès. J'ajouterai que j'ai l'espoir que vous pourrez écarter rapidement ces obstacles. Je ne peux pas en faire moins sans déclencher aux États-Unis une réaction qui entraînerait des restrictions législatives. Mon discours n'est pas orienté contre le Chili, je voulais vous le dire, d'après mon évaluation de la situation. Vous êtes en fait la victime de tous les groupes de gauche du monde entier et votre plus grand péché a été d'avoir renversé un gouvernement qui était en train de virer au communisme. L'émergence des dictatures en Amérique du Sud, c'est un peu l'illustration de la théorie des dominos. Les démocraties s'écroulent les unes après les autres. Or, les généraux qui arrivent au pouvoir dans ce pays se connaissent très bien. Très bien, vous avez une explication ? Bien sûr. Il existe alors une organisation très discrète qui s'appelle la CEA, la Conférence des armées américaines. La CEA regroupe la plupart des chefs militaires du continent. C'est-à-dire du Nord et du Sud, donc. Oui, oui, les réunions se tiennent à Panama ou aux États-Unis. Oui, je pense que c'est logique que les Américains doivent avoir une place prééminente dans ces réunions. Mais forcément, en fait, soyons clairs, c'est une organisation parfaitement représentative de la guerre froide. Une organisation anticommuniste. Oui, et même si je n'en ai pas la preuve, je suis certain que l'idée du plan Condor est née là, dans ces réunions au sommet des généraux latino-américains et d'Amérique du Nord. Oui. Une collusion, donc, entre futurs dictateurs. Oui, en fait, le principe du plan Condor est très simple. La coopération entre les forces de sécurité, police et armée des 6 pays du cône sud doit permettre de lutter avec efficacité contre l'ennemi commun, la subversion. Dans les ambassades respectives de ces pays, on constitue donc des cellules spéciales uniquement chargées de cette tâche. Bien sûr, ces structures sont secrètes. Oui, parce que leur véritable mission ne doit pas apparaître. Non. Et on prétend que ces militaires ou ces policiers détachés dans les ambassades sont par exemple chargés de lutter contre les narcotrafiquants en collaboration avec leurs homologues du pays. Une couverture. Bon, ça veut dire en tout cas que pour ces hommes qui traquent les opposants de gauche, il n'y a plus de frontières. Les agents chiliens peuvent intervenir en Argentine ou en Uruguay, et la réciproque est vraie. C'est un véritable réseau qui a été créé par le biais de ces attachés d'ambassade. Et vous avez des exemples de coopération ? Oh, sont innombrables. Prenons le cas d'un militant argentin, Jorge Alarcón. Il est arrêté par des policiers paraguayens, mais son interrogatoire est effectué en présence d'Argentins. Et finalement, il est remis à la DINA, la police secrète chilienne du général Contreras. On ne l'en verra jamais. Où est donc la coopération est totale. Il s'agit donc aussi de brouiller les pistes. Oh, certainement, comme dans ce roman policier où deux meurtriers qui vivent très loin l'un de l'autre échangent leurs victimes. Ouais, je tue pour toi, tu tues pour moi. C'est ça. Ils disposent donc tous les deux d'un parfait alibi. Ouais, et un autre, ils sont insoupçonnables puisqu'ils ne connaissent pas leurs victimes. Exactement. Le résultat, c'est qu'il va exister une véritable interconnexion entre tous ces polices. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi dans ce pacte passé entre les dictatures, échange d'informations. Naturellement, les hommes du plan d'or vont constituer un gigantesque fichier. Et ce sont ça, les archives de la terreur qui seront découvertes plus tard par l'avocat paraguayen. Oui, mais avant d'aller plus loin, je voudrais signaler qu'un septième pays d'Amérique du Sud a refusé de rejoindre cette Sainte Alliance. C'est le Venezuela. Bon, le fichier donc. Ce qu'élaborent les hommes du plan Condor, c'est une sorte d'Interpol qui ne traquerait que les hommes et les femmes soupçonnés d'être des militants de gauche. Et d'extrême gauche. Bien entendu. Mais vous savez, pour ces militaires sud-américains, il suffisait d'être un simple démocrate ou pire, un défenseur des droits de l'homme pour être fiché comme un dangereux communiste. Mais les dictatures vont aller encore plus loin. Plus loin, c'est-à-dire ? Au Paraguay, qui est situé au centre géographique des pays du plan Condor, il semble bien qu'ait été mis en place un véritable tribunal secret. Pour juger ses opposants. Oui, ce tribunal aurait été constitué par les attachés militaires en poste à Asunción. Mais vous employez le conditionnel. Je suis obligé, car toute la lumière n'a pas encore été faite sur ces affaires. J'ajoute que c'était aussi au Paraguay que se trouvait la direction économique du plan Condor. Mais comment expliquer qu'un quart de siècle, quand même, après ces événements, il demeure la zone d'ombre? C'est très simple. Dans la plupart de ces pays, avant de quitter le pouvoir, les généraux ont pris soin de faire voter des lois d'amnistie les protégeant. Au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay. Et si des enquêtes ont permis d'incriminer certains d'entre eux, c'est parce qu'elles ont été lancées par des défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi des juges étrangers qui ont ouvert des procédures à propos de la disparition, par exemple, de certains de leurs concitoyens d'Amérique du Sud. Vous avez raison, oui. C'est le cas du fameux juge espagnol Garzón qui a inculpé le général Pinochet. Et qui a bien failli obtenir son extradition. Mais en France aussi, Pinochet fait l'objet d'une procédure judiciaire. Toutefois, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Dans la plupart des cas, l'armée refuse de collaborer et protège les siens. Ouais, ce qui n'est guère rassurant pour l'avenir des démocraties de la région. Oui, car beaucoup d'officiers qui ont participé activement à la répression sont demeurés en place. Et les services secrets n'ont pas été purgés comme ils auraient mérité de l'être. Par conséquent, le danger demeure. Et à la faveur de troubles économiques, comme en Argentine aujourd'hui, les militaires pourraient bien en reparaître. D'ailleurs, il n'est pas exclu que certains nostalgiques du plan Condor ne soient restés secrètement en relation. Mais prêts à conspirer? Pourquoi pas. J'espère que l'avenir me démentira, mais à vrai dire, je n'en suis pas très sûr. Revenons, si vous le voulez bien, aux origines du plan Condor. C'est donc ce Contreras, le patron de la DINA, la police secrète chilienne, qui en est à l'origine. Tout à fait. Et Contreras ne faisait qu'obéir à son maître, Pinochet. Je crois l'avoir dit, à l'intérieur du pays, malgré l'opposition clandestine des révolutionnaires du MIR, la DINA faisait la loi. Elle pouvait arrêter, torturer, assassiner sans aucun contrôle. C'était un État dans l'État, mais ce qui posait problème, c'était les milliers d'exilés qui avaient fui après le putsch. Et qui s'étaient souvent réfugiés dans les pays d'Amérique du Sud. Mais surtout en Argentine. Ces exilés représentaient une menace pour le régime de la dictature, parce qu'ils se livraient à une intense propagande. Et il fallait donc les liquider, quoi. Oui, et à l'automne 1974, avant même que le plan Condor ne soit réellement adopté par les pays du cône sud, l'ancien commandant de l'armée chilienne, Carlos Prat, un fidèle du président Allende, saute sur une bombe à Buenos Aires. Son épouse périt également dans l'attentat. Ouais. On connaît les assassins ? On l'apprendra plus tard, oui. C'est un commando chilien qui a mené l'opération sous le commandement d'un Américain, un certain Tom Lay, qui appartient ou a appartenu lui aussi à la CIA. Ouais, décidément, hein. Eh oui, et on retrouvera ce Tom Lay dans plusieurs autres affaires. En particulier dans l'exécution d'un autre assassinat d'un opposant chilien, à Washington cette fois. une affaire qui fera grand bruit. Mais nous en parlons parce que, pour la première fois, on lèvera un coin du voile. Tout a vraiment commencé, a dit Monsieur X, avec le putsch du général Pinochet. C'est aussi la conviction du juge d'instruction espagnol Garzón qui a fait arrêter l'ancien dictateur alors qu'il séjournait à Londres. Et il est intéressant de se reporter à la demande d'extradition telle qu'elle a été formulée par le juge. En voici un extrait, publié par le journal Le Monde en février 1999. À l'échelle internationale, une coordination avait été formée sous le nom d'opération Condor. Son objectif, coordonner l'action répressive. Augusto Pinochet Ugarte, alors chef des forces armées et de l'État chilien, ordonna l'élimination physique, la torture, l'enlèvement et la disparition de Chiliens et de personnes d'autres nationalités au Chili et ailleurs dans le cadre des agissements des services secrets, la DINA, et selon le précité plan Condor. Et le juge de citer 79 cas supposés entrant dans cette qualification. Dans son deuxième chapitre, la demande d'extradition ajoute que Pinochet apparaît comme l'un des principaux responsables et le leader d'une organisation internationale créée en coordination avec des responsables militaires ou civils d'autres pays, principalement l'Argentine, pour concevoir, développer et exécuter la planification systématique des détentions illégales, tortures, déplacements forcés, assassinats et ou les disparitions de nombreuses personnes, y compris des Argentins, des Espagnols, des Britanniques, des Américains, des Chiliens et d'autres nationalités. Le but ? Atteindre les objectifs politiques et économiques de la conspiration. Quand Carlos Prats est assassiné à Buenos Aires, les militaires argentins n'ont pas encore pris le pouvoir. Non, mais les escadrons de la mort sont déjà au travail. Et toutes les nuits, on retrouve des cadavres dans les décharges. Des cadavres de Chiliens ? Et d'Argentins. La machine de la terreur est déjà en marche. Et après le putsch de Videla et des autres, elle va prendre son rythme de croisière. De tous les pays rassemblés autour du plan Condor, c'est l'Argentine qui a perfectionné au plus haut point le système. On a même pu parler de modèle argentin. De modèle de dictature. Et de politique répressive. C'est en Argentine qu'on a systématiquement torturé dans les écoles de guerre. La marine, en particulier, où a sévi l'ignoble capitaine Astiz. Faudra aussi parler de tous ces enfants qu'on a séparés de leur mère après l'accouchement et qui ont été confiés à des familles de militaires. Des enfants volés. Oui, et les mères ont ensuite disparu. Ouais, assassinés. Vous en doutez ? Certains de ces enfants ont été retrouvés, vous le savez sans doute. Mais combien d'autres le seront jamais ? Et combien de bourreaux continuent-ils à vivre en paix, protégés par leurs pères, officiers ou membres des services de renseignement ? D'après ce que vous savez, alors, le plan Condor est appliqué jusqu'à quelle date ? Jusqu'au début des années 80. C'est-à-dire le moment où les dictatures céderont peu à peu le pas devant les démocraties ? Oui. Enfin, il me reste maintenant à vous parler de la phase ultime du plan Condor. Les contre-terroristes latino-américains ne se sont pas contentés d'agir chez eux. Ils ont voulu étendre leur champ d'action. C'était sortir du cône sud. Oui, il leur fallait se débarrasser de tous les exilés de Marx, ceux qui, depuis l'étranger, continuaient la lutte politique. Et c'est là que nous retrouvons l'assassin de Carlos Prats. Ce Tunley, c'est ça? En effet. L'Américain, qui est le tueur préféré du Chilien Manuel Contreras, est d'abord envoyé à Madrid. Franco règne encore et il est facile d'installer en Espagne une solide antenne de la DINA, la police secrète chilienne. Avec toujours comme objectif pourchasser les opposants chiliens. Et les éliminer physiquement. Mmh. Ensuite, Tonley fait un véritable tour d'Europe. À chaque fois, il prend langue avec les mouvements d'extrême droite existants. Il compte s'appuyer sur eux pour repérer et ficher leurs exilés. Mais vous m'avez dit qu'en France, il n'interviendra pas. Hein ? C'est juste, les services étaient parfaitement informés et Tonley ne pourra pas nuire dans notre pays. Dernière étape de son voyage, l'Italie. Tonley prend naturellement contact avec les néofascistes. L'Italie vit alors ce qu'on a appelé les années de plomb. Oui, d'un côté les brigades rouges et de l'autre l'extrême droite. Et les attentats, les exécutions se succèdent. Oui. On a aussi appelé ça la stratégie de la tension. Oui, pour la CIA qui tirait les ficelles d'un certain nombre de ces mouvements terroristes, il fallait faire échec à une éventuelle participation des communistes au gouvernement. Ça veut dire en tout cas que dans un tel climat, Tonley se trouve comme un poisson dans l'eau. Et contre la promesse de livraison d'armes et d'argent, il n'a vraiment aucun mal à convaincre les néofascistes italiens de mettre sur pied un véritable réseau d'enseignement. Mais toujours pour surveiller les exilés chiliens. Et là encore, les liquider physiquement. Et c'est ce qui se passe en octobre 75. Un commando tire sur Bernardo Leighton, un démocrate chrétien qui a été vice-président du Chili. Leighton échappe à la mort, mais son épouse est touchée. Elle demeurera paralysée à vie. Inutile de vous dire que Tonley, lui, n'a pas tardé à quitter l'Italie. Et on va le retrouver où ? Plusieurs mois plus tard, aux États-Unis, lors d'une affaire qui va, à terme, changer la donne du plan Condor. Alors, de quoi s'agit-il, ça ? En septembre 1976, une voiture piégée explose à Washington, pas très loin de la Maison Blanche. À l'intérieur, il y avait le chef de l'opposition chilienne en exil, Orlando Letelier, ancien ambassadeur aux États-Unis. Mais, point très important, à ses côtés se trouvait également une de ses collaboratrices, une américaine. Ils ont trouvé la mort tous les deux ? Oui. Mmh. Et pourquoi alors insistez-vous sur la présence de cette américaine ? Bah parce qu'elle est américaine, justement, et que les autorités fédérales vont faire tout ce qu'elles peuvent pour retrouver les assassins d'une citoyenne américaine. Mais parce que Letelier, lui... Bon, je suis persuadé que le FBI n'aurait pas mis autant d'acharnement à enquêter s'il ne s'était agi que de cet opposant chilien. D'autre part, les Américains n'ont pas apprécié que les contre-terroristes interviennent sur leur territoire. Ah. Alors ça veut dire que le FBI est chargé de l'enquête ? Oui, et c'est le chef de son antenne de Buenos Aires qui est chargé de mener les investigations. Ça veut dire que les Américains ont une idée très précise sur l'origine de l'affaire. Hein. Naturellement. Plus tard, la CIA prétendra qu'elle n'a découvert l'existence du plan Condor qu'à l'occasion de l'assassinat d'Orlando Letelier. C'est bien sûr un mensonge. Les Américains étaient au courant depuis le début. Alors, l'enquête. Le FBI remonte la piste et à la CIA, on fait la grimace. Le commanditaire s'avère être Manuel Contreras, le chef de la police secrète chilienne et l'exécutant n'est autre que Stanley. Des révélations très embarrassantes pour la Maison-Blanche. Il ne faut pas oublier que Contreras, c'est un homme très proche du général Pinochet. Ouais. Et quelles en seront les conséquences ? Concrètement, Pinochet devra se séparer de Contreras, qui sera d'ailleurs jugé par la justice américaine et emprisonné au Chili. Mais l'important, c'est qu'on a soulevé un coin du voile sur cette extraordinaire organisation de la terreur. Mais est-ce que ça met pour autant fin au plan Condor ? Non. Non, les bourreaux vont encore continuer à torturer et tuer pendant des mois, des années. Mais il est certain que les Américains vont prendre peu à peu leur distance, surtout sous la présidence Carter. Mais très paradoxalement, c'est plus tard dans les années 80... 80, donc sous Reagan. Oui, Reagan, pourtant républicain comme Nixon, Kissinger. C'est donc sous sa présidence que les Américains se rendront vraiment compte qu'ils sont allés trop loin dans leur soutien aux dictatures. Et ils participeront même à leur liquidation. Ouais. Et à votre avis alors ? Toute la lumière a été faite sur le plan Condor ? Non. N'oubliez pas qu'il y a eu au minimum 35 000 disparitions dans les pays du cône sud. Toutes sont loin d'avoir été élucidées. Et malgré la découverte de ces archives de la terreur, comme vous avez dit. Bien entendu, et beaucoup d'affaires demeurent mystérieuses. Je ne vous en citerai que deux. L'étrange mort de deux anciens présidents brésiliens. João Goulart et Juscelino Kubitschek. Ouais, c'est-à-dire le bâtisseur de Brasilia. Lui-même. Il a péri en 1976 dans un accident de voiture. L'auto a fait une curieuse embardée. Sabotage ? Vraisemblablement. Quant à Goulard, il est mort 4 mois plus tard en Argentine. Accident cardiaque, a-t-on prétendu. Mais ça faisait longtemps que l'ancien président vivait dans la terreur, surtout depuis le putsch des généraux argentins. Et tout à l'heure, vous m'avez semblé très, très pessimiste. Oui, parce qu'un jour, un autre plan Condor pourrait bien voir le jour. La CEA, cette conférence des armées américaines, existe toujours. Ça n'est pas très rassurant. D'après M. X, l'implication des Américains dans le plan Condor ne semble donc pas faire de doute. C'est aussi l'opinion d'un enquêteur du magazine Marianne. Dans un numéro de décembre 1998, voici en effet ce que je lis. Les Américains assurent la formation des cadres de l'appareil répressif. À la fin de 1975, plus de 76 000 soldats et officiers sont instruits aux États-Unis aux méthodes de contre-terreur, de propagande et de guerre psychologique. Ces centres de formation sont baptisés par dérision les écoles de putschistes. Située dans la zone du canal de Panama, l'école de guerre interaméricaine de Fort Gulick forme la majeure partie des exécutants du plan Condor. En 1974, elle fête son 30 millième élève, selon une brochure de l'époque. Sa fonction est d'orienter la formation du personnel latino-américain qualifié en vue d'améliorer sa capacité professionnelle en ce qui concerne le maintien de la sécurité intérieure ainsi que la contribution militaire au développement. Pas moins de 170 chefs d'État, ministres, chefs d'État-major et chefs des services de renseignement latino-américains sont alors diplômés de cet inquiétant établissement. Selon le mot d'un sénateur américain, on y trouve la plus répugnante assemblée de tortionnaires ayant les mains couvertes de sang. À noter enfin qu'en mai 2001, le juge d'instruction français, Roger Leloir, a profité d'une visite à Paris de Henry Kissinger pour lui envoyer une convocation. Le magistrat voulait l'entendre en tant que témoin sur les éventuelles responsabilités américaines dans la mise en place du plan Condor. En effet, parmi les récents documents déclassifiés par la CIA, l'un d'eux émanait directement de Kissinger. Mais l'ancien secrétaire d'État a quitté Paris sans déférer à la convocation du juge.